Merci de piocher un nom et de préparer un cadeau pour la personne désignée que vous lui remettrez à la soirée de Noël de l'entreprise. Toi aussi? La bonne nouvelle, c'est que ça bouleverse pas trop nos plans. La bonne nouvelle, c'est que ça bouleverse pas trop nos plans.